dilapider ton héritage, mon avenir. Je ne suis que ta pauvre petite brebis perdue, qu'on a mordu jusqu'au sang, et les plaies contaminées resteront ouvertes à jamais. Je ne veux plus de tes épaules maintenant. Ne t'approche pas de moi, j'ai la rage. Je te ferai trop de mal, tout le mal que je peux t'écorcher, et tout ce que tu as de plus cher avec. J'ai la rage, ne me touche surtout pas. Mais tu veux ma laine, mon petit, mais on ne me tombera pas comme ça. On ne me traitera pas comme ça. Parce que j'ai la